c'est tout cassé. N'avons-nous là de malheur et de mots bien assez? Dom et Tom en bateau tombe à Nouvelle-Calédonie. Qui reste aboriginal à la fin des colonies? Et si l'on vous dit Dieu est mort, voyez la peur et les remords. Mais si l'on vous dit Dieu est noir, Marie est belle et on y voit. Y'a qu'à danser, qu'à danser, bégayer, souké, gaz et fit tout mélanger, rincer pour tout coller. Y'a qu'à rouler, swing et secouer à nous râler, à jamais nous t'oublier. À chacun ses héros, Varsovie ou Soweto, à chacun ses ghettos. Jeter gitan, humilié, homo pour un bon à rien. Mille indiens décimés pour un fier américain. Et si l'on vous dit Dieu est mort, voyez la peur et les remords. Mais si l'on vous dit Dieu est mort, Marie est belle. Y'a qu'à danser, bégayer, souké, gaz et fit tout mélanger, passer pour tout coller. Y'a qu'à rouler, swing et secouer à nous aller, à jamais nous tout lier, couleur et sans mêler. Tout mélanger, tracé pour tout coller. Y'a qu'à danser, qu'à danser, beginner, souké, gazé, fille, tout mélanger, tracé pour tout coller. Y'a qu'à rouler. Secouer à nous aller, à jamais.